tudo não é mel. O beba sapo, mano, é mel. Cheirinho é mel, com peça no beba é mel. Pra trouver les mots pour dire ça moins envie, ça moins caresse senti. Moi j'ai chanté Rimbaud, Césaire, Apollinaire et ça pacifie. Si la tête est capalée, il t'est qu'à raconter pour t'en comprendre. Pour pas j'en m'abrier, qui j'en moi aime. Moins content doudou, moins chacha. Bye-bye.